Émission de Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy pour la prochaine heure. Encore une fois, je vous ai préparé une belle sélection de musique cette semaine. Ça va être une émission plutôt mollo. On va se reposer de cette grosse fin de semaine. Donc, on va avoir un début des pièces à tendance hip-hop, hip-hop instrumental. Puis, en deuxième partie d'émission, on va s'orienter vers le dub techno. Donc, deux styles complètement différents, mais des pièces qui se rejoignent. Donc, on va débuter tout de suite avec un artiste parisien du nom de Cut Fingers. Je vous fais passer sa pièce Champagne. C'est publié sur Phonotactics, un net label qui vient du Portugal. Ensuite de ça, sur Dusted Wax Kingdom, je vous fais passer Twin Muses. C'est une association de Mr. Moods et de Marky Gibb. Marky Gibb avec une très belle voix, mais j'ai pas plus d'informations que ça à propos de cet artiste. Donc, je vais faire quelques recherches, puis je posterai ça sur le blog de l'émission. Donc, la pièce de Twin Muses s'appelle Mystery is Ecstasy. Donc, on débute avec Cut Fingers, la pièce Champagne. Thank you. Twin Muses, une association de Mr. Moose et Marky Gibb. La pièce s'appelle Mystery in Ecstasy. Puis on avait débuté avec Cut Fingers, la pièce Champagne. Donc une pièce vraiment excellente. Ça, c'était publié sur Phonotactics, puis avant ça, Twin Muses, c'était sur Dusted Wax Kingdom. Donc, on va poursuivre l'émission avec le français Pix, qui publie sur Fresh Pulp Records. On va entendre la pièce Autisme numéro 642. Et ensuite de ça, on va entendre Bossasaurus avec sa pièce Silent World of Dreams. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Donc, on écoute tout de suite Pix avec sa pièce Autisme numéro 642. Just and the sound. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL. C'était Bossasaurus. C'est un duo qui vient de Oakland en Californie. Vous avez entendu la pièce Silent World of Dreams. Avant ça, c'était le français Pix avec sa pièce Autisme numéro 642. Ça, c'était publié sur Fresh Pulp Records. On poursuit avec Skywalker, ça nous vient de Détroit. Je fais passer la pièce Vita Rain. Ensuite de ça, sur Neosonic Productions, on entend Kay Murdoch avec sa pièce Razor Tongue. Neosonic Productions, donc un label qui a été créé par l'artiste. Donc l'artiste s'appelle Kay Murdoch. On écoute tout de suite Skywalker avec Vita Rain. Thank you. C'était Kay Murdoch, un artiste qui vient de Washington. C'était sa pièce Razor's Tongue. C'était publié sur Neosonic Production. Avant ça, de Detroit, c'était Skywalker avec sa pièce Vita Rain. Donc, deux pièces vraiment intéressantes. Deux artistes qui ont publié sur Bandcamp. Donc, j'aime ça de plus en plus. C'est quand même assez facile de trouver la musique par genre. Donc, j'adore vraiment ce site. Donc, pour poursuivre, on va entendre Piqué Méo, sa pièce Keep the Blood in Your Head. Vous allez voir, encore très bon. De retour à Web Musique, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Donc, avant la pause, on entendait Piqué Méo avec sa pièce Keep the Blood in Your Head. Donc, un artiste qui publie lui aussi sur Bandcamp. Si vous êtes un groupe, un artiste, je vous invite à publier sur cette plateforme-là. C'est vraiment pratique. Ça vous permet de choisir, vous pouvez déterminer le prix de votre album, vous pouvez l'offrir en téléchargement gratuit ou vous pouvez choisir le prix, il n'y a vraiment aucune limite. Donc, une belle plateforme pour diffuser la musique. Je vous invite à venir faire un tour sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org. Ça va vous permettre de télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Puis aussi, il y a le podcast qui est disponible. Il y a toutes sortes de liens aussi en lien avec la culture Net Audio. Donc, un site à ne pas manquer. On va poursuivre avec des pièces vraiment planantes, quand même assez longues. Donc, je vous invite à mettre le son dans le fond, vraiment le plus fort possible pour un meilleur effet. Vous allez voir, si vous avez des écouteurs, c'est encore mieux. Donc, musique très planante. On va débuter avec Zra, un artiste français que j'adore. Je vous en fais souvent passer à l'émission. Donc, je vous fais passer sa pièce Zron. Puis ensuite de ça, sur Kunabu, un netlabel que j'apprécie énormément, on va entendre l'Italien Peak avec sa pièce Dub Suit. Donc, deux pièces quand même assez longues. Comme je vous le disais, il faut mettre le son très fort pour que ça fonctionne. Donc, on débute avec Zra. Thank you. Wow. Une pièce extrêmement planante de Peak. La pièce s'appelle Dubsuit. C'était publié sur Kounabou. On avait débuté le bloc avec l'artiste français Zra, avec sa pièce Zron. Donc, c'est ça, vous êtes toujours à l'émission Web Musique. Donc, on va poursuivre avec un Allemand, cette fois-ci, du nom de Impulse, qui est publié sur Dusted Wax Kingdom. Je vous fais passer sa pièce Rosacea. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Thank you. C'était la pièce Rosacea par Impulse, un artiste allemand qui publie sur Dusted Wax Kingdom. Ben, l'émission tire déjà à sa fin, donc je vais vous laisser sur une dernière pièce qui est par New Delhi FM. La pièce s'appelle Cable Pollution Results. Donc, c'est publié par Flow Magazine, un net label qui. Excusez-moi, plutôt un magazine qui est une référence dans le monde du net audio. C'est sur la compilation qui s'appelle Destination Cologne, Net Label Sound from Cologne. Donc, avec le titre, vous pouvez deviner, c'est des artistes qui sont dans la ville de Cologne en Allemagne. Donc, ben, c'est ça, je vous invite à venir visiter le site pour télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Vous vous rendez au www.webmusique.org et vous pouvez télécharger tout ce que vous entendez. Donc, comme je vous disais, on se laisse avec la pièce Cable Pollution Results. C'est par New Delhi FM. Bonne soirée. Thank you.